Y la pasé la nuit dans ma réflexion. Y la pasé la nuit dans ma réflexion. Sao de réflexion et de réflexion. Sao de la pensée sans oublier. Beaucoup de fruits ont été récoltés. Et la recherche est intense. Et la recherche ne s'arrête pas. Et ne doit pas s'arrêter. Je tiens les bras chez moi. Pour faire aux mains qui servent de phare, pour ceux qui viennent derrière, qui servent de phare, pour ceux qui naviguent dans les noirs et affrontent la tempête, pour ceux qui naviguent dans les noirs et veulent faire fructifier les battus. Si c'est bon pour celui que je dois attendre, il a passé la nuit dans ma réflexion. Sao de réflexion et de réflexion. Et le thème est venu de déglacer les bougies et s'est repassé. Beaucoup de fruits ont été récoltés. La veine s'est faite tous les jours, du marché au marché, de la réflexion à la réflexion. Il a passé la nuit et le repos et doux. Demain, aujourd'hui, plus tard, les bougies seront ici. À nos vieux, nous allons naviguer avec les vents dans les pubs et attendre un bon port pour arriver. La recherche est intense et la recherche ne s'arrête pas et ne doit pas s'arrêter. Cherchez les bras chez moi pour faire aux mains. Cherchez les bons chez moi et allez de là-bas. Il a passé la nuit dans ma réflexion. Les cavaliers.